À l'occasion du 70e anniversaire de la fondation de l'université Kim Il-sung, Kim Yong-nam, Kim Gi-nam, Cha Tae-bok et les cadres de l'université ont visité le 1er octobre l'exposition de l'enseignement et des sciences à l'université.